demain tu reviens, maintenant tu regrettes. Réparer mon cœur ou bien ce qu'il en reste. Hey, j'ai déjà changé de vie, j'ai déjà changé d'adresse. Tu représentes en gros tout ce que je déteste. T'as rêvé de nous deux dans l'hélico, réconciliation illico. Pour que tu retournes dormir, tu verras rien de mon déco, même pas la couleur de mes chicots. Pour que tu retournes dormir, tu sais si bien lire dans les yeux. Regarde-moi te dire adieu. Disparer, c'est ce que tu fais de mieux. Donc applique ce que tu fais de mieux. Il est trop tard sur ma montre. T'oses revenir après m'avoir laissé sous l'eau. J't'ai laissé pourrir dans la tombe. J'ai galéré, j'dois reconnaître, mais j'me suis relevé solo. C'est pas des choses qu'on oublie, mais ça te fait mal de voir que je t'oublie. Tu vas bagayer, bagayer, bagayer jusqu'à réaliser. Tu m'as fait bobo au cœur. Tu m'as fait bobo au cœur. J'ai même plus les mots. Loin de moi du balai. Tu m'as lâché de beaucoup trop haut. La personne que tu cherches à quitter séduit. T'es maintenant sur la liste des gens qu'on nourrit. Loin de moi du balai. Pensez qu'à moi c'est tout ce qu'il me faut. Ah, fous le camp. Pour t'oublier ça a pris du temps. Comment t'oses revenir avec fin du match, fin de toi. J'ai vu ton visage trop longtemps. Ma haine va pas partir. Tu saisis bien lire dans les yeux. Regarde-moi te dire adieu. Disparaître c'est ce que tu fais de mieux. Donc applique ce que tu fais de mieux. Ah, il est trop tard sur ma montre. T'oses revenir après m'avoir laissé sous l'eau. Je t'ai laissé pourrir dans la tombe. J'ai galéré, je dois reconnaître, mais je me suis relevé solo. C'est pas des choses qu'on oublie, mais ça te fait mal de voir que je t'oublie. Tu vas bagayer, bagayer, bagayer jusqu'à réaliser que tu m'as fait bobo au cœur. Bagayer, bagayer jusqu'à réaliser que tu m'as fait beau cœur.